Troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'Antiquité. Ce matin, nous allons vous parler des Antiquités nationales, titre de la chaire au Collège de France que tenait Christian Goudineau, récemment disparu, auquel nous allons rendre hommage ce matin. Christian Goudineau, disparu le 9 mai dernier à l'âge de 79 ans, a profondément renouvelé la vision que nous pouvions avoir de la Gaule et des Gaulois. Les découvertes archéologiques liées aux fouilles de sauvetage des 40 dernières années ont également considérablement accru les connaissances sur la culture matérielle des populations conquises par César. Christian Goudineau était à la fois archéologue et historien, titulaire de la chaire d'Antiquité nationale au Collège de France, après avoir longtemps enseigné à Aix-en-Provence, et il avait développé le dialogue justement entre les textes antiques et les découvertes archéologiques. Il a en cela, changer notre regard sur les Gaulois. Nous en parlerons avec deux chercheurs qui l'ont bien connu, Laurent Olivier, il est conservateur en chef du patrimoine, en charge des collections celtiques et gauloises au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, et il est auteur récent d'un livre paru aux éditions du Seuil, Mémoire de la Gaule, c'est le sous-titre, et le titre est Le pays des Celtes. Et avec nous également, Laurence Tranois, qui a été une étudiante de Christian Goudineau à Aix-en-Provence, elle est maître de conférence en histoire ancienne à l'université de La Rochelle, et membre du laboratoire Liens. Alors nous commençons par Jules César, parce que nous allons nous situer dans l'année 52 avant Jésus-Christ. Jules César est né en 100, par conséquent, vous voyez l'âge qu'il peut avoir, 48 ans, et il s'est lancé dans la conquête de ce qu'on appelle la Gaule, ou plus exactement de ce que lui a appelé la Gaule. Car il nous a indiqué que la Gaule était limitée d'une part par l'océan Atlantique et d'autre part par le Rhin. C'est-à-dire que César a fait, comme beaucoup de conquérants, délimiter un pays en disant « j'ai conquis quelque chose d'homogène », alors qu'en réalité ce n'était pas du tout le cas. La Gaule, lorsque les géographes et les ethnographes parlaient d'elle en langue latine, voulaient dire la même chose que ce que les ethnographes grecs désignaient sous le terme de celtique, celtique, c'est-à-dire un ensemble de peuples sans aucune homogénéité qui s'étendait de l'Atlantique jusque au-delà de la région de Budapest. Simplement pour balayer quelques idées préconçues, qu'est-ce que la Gaule à cette époque ? Contrairement à l'idée qui peut tourner dans nos têtes en raison de vieilles images des manuels scolaires, reprises d'ailleurs par Astérix, une Gaule couverte de forêts où on ne fait que de la chasse, c'est-à-dire une idée qui est fausse depuis déjà 3000 ans, qui remonte au néolithique. Donc, en réalité, ce que nous savons, à partir des photos aériennes, notamment, c'est que la Gaule, à l'époque césarienne, était une terre agricole très riche, couverte de fermes, et nous avons même pu faire des opérations d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'à partir de ces formes de paysages, à partir de graines, à partir de la paléobotanique, eh bien, on peut savoir quelles étaient les cultures qui étaient les cultures principales de l'époque. Ce sont essentiellement des céréales et des légumineuses. Et en ce qui concerne les ossements animaux qu'on retrouve par millions dans nos fouilles, eh bien, on peut faire le tri entre les espèces. Et là, on s'aperçoit que la chasse est absolument dérisoire. Bonjour Victor Massé-Dépinay. Bonjour Emmanuel. Vous co-animez les émissions de cette semaine consacrées à l'Antiquité dans la Fabrique de l'Histoire. Bonjour à vous Laurent Olivier. Bonjour. Merci d'être là donc pour cet hommage à Christian Goudineau. Et bonjour à vous Laurence Tranois. Bonjour. Merci également d'être venu de La Rochelle pour rendre hommage au travail de celui qui a été un de vos maîtres, sinon votre maître en l'occurrence, Laurence Tranois. C'était une conférence du Collège de France la dernière année où Christian Goudineau a enseigné au Collège de France en 2010. Elle date du 8 août 2010. Vous trouviez dans l'amphithéâtre du Collège de France pour la première leçon, la leçon inaugurale de Christian Goudineau en 1984. Qu'est-ce que c'était ce moment-là pour vous et pour toute une génération de chercheurs, archéologues, dont il était une sorte de porte-parole. Une précision avant tout, il n'aurait pas aimé le mot maître, ça n'était pas dans sa culture. Bon. Lui qui a mis à distance le mandarinat, c'était un moment absolument extraordinaire. Un moment extraordinaire, l'amphi était bondé, il était bondé, si on avait fait la moyenne d'âge, je pense qu'elle était très jeune. Nous étions énormément d'archéologues. Et d'ailleurs, dans son discours, il rendait hommage aux archéologues, puisqu'il y a un passage de son discours évoque ces gens qui sont sur les chantiers, qui sont en train de faire émerger les sources qui vont construire l'histoire et le discours archéologique. Et il y avait une ferveur intense dans cet amphi. Parce que ces années 80, ce début d'années 80 est un moment particulier. Il commence très jeune lui-même comme à la fois professeur à Aix-en-Provence, où vous étiez son étudiante, mais il commence aussi très jeune comme directeur des antiquités dans la région de Côte d'Azur, Provence-Côte d'Azur. Et il est nommé, je crois, il a à peine 30 ans à ce moment-là, comme directeur des antiquités dans cette région. Et donc, il va allier à la fois un enseignement théorique sur l'histoire antique et une pratique et une connaissance des pratiques, parce que c'est le moment où se développe considérablement ce qu'on appelle les fouilles de sauvetage dans les années, fin des années 70, début des années 80. Oui, tout à fait. Et se développent en même temps des méthodes parfaitement nouvelles et qu'il a tout de suite comprises et qu'avec ses étudiants, il a mis en application. Et Christian Goudineau n'était pas un homme de chair qui parlait de manière verticale. Au contraire, il faisait parler ses étudiants, il travaillait avec eux et je pense qu'ils ont, sur les chantiers, échangé sur ces nouvelles méthodes, sur cette approche tout à fait novatrice, interdisciplinaire de l'archéologie. C'était une construction commune avec ses étudiants et ce qui était très riche, dont on a bénéficié quand on était avec lui. Et en plus, quand il était directeur des Antiquités, il a mené très tôt un combat pour faire exister cette archéologie de sauvetage, et avec de nombreuses autres personnes, je pense notamment à Jacques Lasfargue à Lyon, qui était lui aussi directeur des Antiquités, ils ont combattu avec acharnement pour que cette archéologie de sauvetage devienne une archéologie préventive telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire avec effectivement toutes les découvertes qu'on doit à cette archéologie préventive depuis un peu plus de 30 ans. Laurent Olivier, vous êtes non seulement l'auteur du Pays des Celtes, paru aux éditions du Seuil, tout récemment, il y a 4 mois de cela, mais vous avez aussi rédigé la notice nécrologique de Christian Goudineau pour Le Monde, et vous dites effectivement combien il est l'acteur et pas le témoin d'une véritable révolution en archéologie et en histoire, et en particulier sur le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qu'on appelle les antiquités nationales. Vous êtes conservateur au musée des antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Je pense que c'est ce que disait Laurence à l'instant. Je pense que ce qui fait vraiment l'originalité de Christian Goudineau, c'est d'avoir été, et c'est rare, un historien et un archéologue. Et je pense qu'il a compris très tôt que la révolution de l'archéologie préventive qui commençait à prendre forme allait complètement changer non seulement les données de l'archéologie, mais aussi le regard que l'histoire pouvait porter sur cette période. Pourquoi une révolution de l'archéologie préventive? C'est parce qu'on a vu émerger d'un seul coup un passé que l'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait peu, et qui, d'une certaine façon, par la systématisation des fouilles qui étaient liées aux fouilles dites de sauvetage et donc d'archéologie préventive ensuite, a permis de faire sortir un matériel considérable qu'il a fallu ensuite analyser. C'est cela, Laurent Olivier? Oui, c'est ça, mais c'est aussi, moi j'appartiens à cette génération des jeunes gens à l'époque qui ont mis en place cette archéologie de sauvetage, puis cette archéologie préventive. Et il y avait, c'est ce que disait Laurence à l'instant, un véritable climat de ferveur, parce que c'était aussi un changement dans les mentalités. C'est-à-dire que l'archéologie gauloise, des antiquités nationales, avait connu un essor extraordinaire au XIXe siècle. Sous Napoléon III Napoléon III, puis elle s'était un petit peu étiolée avec la guerre de 14, et elle avait repris timidement dans les années 60, surtout à partir des années 68, en réalité. C'est ça le vrai basculement, l'année où Christian entre dans la profession. Et ce changement, c'est de dire il faut arrêter l'hémorragie archéologique. C'est dans le discours de Christian Goudineau, son discours d'ouverture, il dit en substance, imaginez que tous les dépôts d'archives soient en train de brûler, que diriez-vous? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les centres urbains sont en train d'être complètement détruits, que devons-nous faire? Et cette idée-là, c'est de dire, il y a non seulement des archives dans l'histoire, mais dans le sol, il y a aussi les archives du passé, et ces archives, elles doivent être protégées et mises en valeur. Victor Massé de l'Épinay. Oui, ce terme d'archéologie nationale, dont vous dites, Laurent Olivier, qu'il est né au 19e, c'était l'intitulé de la chaire au Collège de France, qui avait été créé en 1905 par Camille Julian, Antiquité nationale, qui a continué avec Albert Grenier, qui lui a succédé dans les années 30. Et puis le nom de cette chaire a disparu et Christian Goudineau, en arrivant en 1984, a repris ce nom Antiquité nationale. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, Antiquité nationale? On imagine que c'est pas tout à fait la même chose qu'en 1905 ou qu'en 1936. Les contextes, évidemment, historiques et nationaux étaient très différents. Mais c'était quand même pour lui, un acte politique, non pas seulement un hommage à Camille Julian, mais un acte politique de reprendre ce terme archéologie nationale. Laurent Olivier et puis Laurent Stranois. Oui, absolument, absolument. Et je pense que dans cette perspective-là, c'était aussi l'idée de dire qu'il y a c'est une notion politique, c'est un patrimoine collectif, donc ça appartient à la nation, ça appartient à l'ensemble de la collectivité nationale, et puis c'est aussi les archives matérielles, pas uniquement les archives écrites de notre histoire. Et de ce point de vue-là, c'est un patrimoine qui nécessite non seulement d'être protégé, mais aussi d'être étudié et transmis. Laurent Stranois, sur ce choix de reprendre ce titre d'Antiquité nationale. Je rebondis sur ce que dit Laurent à l'instant. Christian Goudineau avait un profond sens de la politique au sens antique du terme, hein, la citoyenneté, la vie dans la cité. Et je pense que c'est ce choix de reprendre l'intitulé Antiquité nationale, il l'explique très bien d'ailleurs dans l'introduction de son discours, c'est une manière de s'engager pleinement dans ce qu'est en train de subir la France en termes de massacre archéologique. Et donc, il s'engage pour que, à l'avenir, ça n'existe plus et pour les générations futures. D'autant que, on l'a dit avec Laurent Olivier à l'instant, il y a eu une grande période de recherche sur le territoire français et sur ce qui s'est passé avant la romanisation du territoire, donc des Celtes ou des Gaulois, selon que l'on parle d'un endroit ou d'un autre, en tous les cas. Il y a eu donc un véritable travail qui a été mené par les archéologues naissants du 19e siècle. Et puis, on avait l'impression d'une sorte d'oubli ou d'abandon. Et que il y a cette résurgence de ce souci. Vous êtes intervenu dans le cours de Christian Goudineau au Collège de France pour parler des nouvelles pratiques et des nouvelles découvertes sur la France gallo-romaine. Et vous disiez dans votre intervention, Laurent Stranois, en 2009, qu'il y avait, quand vous avez commencé à travailler, on connaissait l'archéologie des ports et du littoral de Méditerranée, parce que c'était la tradition de s'intéresser à la Méditerranée, et qu'on ne savait rien, par exemple, sur les ports de l'Atlantique, et que c'est à partir de ce moment-là, des années 70, 80, plutôt début des années 80, qu'on s'est intéressé à tout un territoire qui était gigantesque et sur lequel on n'avait vraiment rien cherché auparavant, rien trouvé même. Oui, je me souviens Christian Goudineau lui-même disant « il faut faire la conquête de l'Ouest ». Et du point de vue archéologique, beaucoup était à faire et on a progressivement défriché tout un tas de champs nouveaux et notamment cette archéologie littorale qui est en train d'émerger et de se confirmer dans le prolongement de ce qui avait été engagé auparavant. Laurent Olivier, sur cette masse de documentation qui surgit parce que on fait un supermarché, on va fouiller un parking, on va créer un parking souterrain ou construire un grand établissement culturel et ou faire une autoroute, et à partir de ce moment-là, on trouve énormément de choses et on change le regard que l'on a sur, par exemple, les Gaulois, ils n'avaient pas des maisons semi-enterrées, comme le disent les textes antiques, mais on découvre des maisons qui n'ont rien à voir avec ces textes antiques, justement. C'est-à-dire que ça a changé les pratiques de l'archéologie. Jusqu'alors, l'archéologie était limitée, c'était quelques individus qui fouillaient là où ils trouvaient des sites intéressants. Et le grand bouleversement, c'est qu'avec les travaux d'aménagement, on fouille là où sont les travaux d'aménagement. Si on fouille là, on n'aurait pas fouillé. Et ça a fait surgir une masse de documentation absolument insoupçonnée. Et puis surtout, ça a permis d'étudier non plus des sites, mais des paysages entiers. C'est aussi un changement d'échelle dans la compréhension de l'archéologie. Et je pense qu'on n'a pas encore complètement pris la mesure de changement, parce que c'est aussi un changement quantitatif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on travaillait sur des petites séries. Là, on travaille sur des ensembles de milliers, voire de dizaines de milliers de sites, sur des séries qui dépassent nos capacités de gestion habituelle des données. Donc, c'est non seulement une révolution dans les méthodes, mais c'est aussi une révolution dans la perception des sites et aussi dans la façon de les étudier. Alors, comment étudier des sites archéologiques très nombreux avec les fouilles de sauvetage devenues fouilles préventives, mais aussi comment les confronter avec les textes? Christian Goudineau était l'invité de la Fabrique de l'Histoire en 2009, c'était le 26 octobre 2009, et nous commençons par un texte de Tite Live. D'après ce que l'on raconte, c'est Marcus Papirius, dont un Gaulois s'était permis de toucher la barbe, qu'il laissait pousser selon la mode du temps, qui, en frappant celui-ci sur la tête avec son bâton d'ivoire, déchaîna la fureur des Gaulois. Il fut le premier massacré. Après lui, tous les autres patriciens trouvés dans leur maison. L'extermination des nobles une fois achevée, personne ne fut épargné. Ensuite, on pilla les maisons et on y mit le feu. Voilà comment Tite-Live, dans le livre 5, raconte le siège de Rome par les Gaulois. Ce sont ces événements, cette arrivée brusque des Gaulois dans Rome qui, d'un seul coup, font émerger ce thème du Gaulois dans l'histoire, Christian Goudineau. Oui, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que on peut mettre en doute beaucoup de traits par rapport à la véracité historique. C'est-à-dire, c'est constitué très rapidement à partir d'événements qui ont été, effectivement, des migrations de Gaulois, enfin de Celtes, vers l'Italie, des récits terrifiants. Et ces récits terrifiants, c'est le topos habituel dans l'Antiquité, le civilisé, le grec ou le romain, par rapport aux barbares. Et donc, il faut se mettre dans la peau d'un petit romain, disons du 1er siècle avant Jésus-Christ, celui qui sera peut-être un soldat avec César, auquel on apprend qu'il y a des gens absolument féroces, qui sont très grands, qui sont très différents, qui poussent des cris inarticulés, qui sont capables de vous trancher la gorge, qui ne se contrôlent pas, qui sont souvent sous l'empire de l'alcool, etc., etc. Et il faut partir de là, je pense, pour comprendre les récits et même certaines descriptions de type, on dira, ethnographique, que l'Antiquité nous a transmis des Gaulois. Alors c'était Christian Goudineau en 2009 au micro de la Fabrique de l'Histoire, évoquant la différence entre les récits que faisaient les Romains de ces Gaulois et effectivement la réalité archéologique que l'on pouvait percevoir au fur et à mesure des découvertes, Laurent Olivier. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Christian Goudineau introduit la notion de mémoire. Mmh. C'est-à-dire que ces témoignages historiques, il faut les prendre comme la transmission d'une mémoire, et en particulier comme la transmission de ce traumatisme extraordinaire qui avait représenté l'intrusion d'une force barbare dans la ville qui était supposée être inviolable. Le village de Rome. Oui, et d'ailleurs, les Romains s'en souviendront jusqu'à la fin de leur empire. Il y aura le jour de l'Alia qui commémorera la défaite où les Romains ont été humiliés. Ils ont tenté de s'enfuir à travers la rivière. C'était la bataille de l'Alia, donc voilà. C'était donc le 18 juillet, le jour de l'Alia, Dies Aliensis, que célèbrent régulièrement les Romains comme étant le moment de la défaite terrible face aux Gaulois. Et surtout comme quelque chose. Il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir que les barbares sont soumis, mais ils restent au fond d'eux-mêmes barbares et il faut pas baisser la garde de devant eux. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Victor Massé de l'Épinay. Oui, et Christian Goudineau dit il faut se mettre dans la peau d'un petit Romain. Alors peut-être qu'il se mettait plus souvent dans la peau d'un Gaulois, mais en tout cas c'est ça le point de départ de sa démarche. De est-ce que ça c'est quelque chose qui est nouveau, se mettre dans la peau d'un Gaulois, c'est ce que ne faisait pas peut-être Julien dont on parlait, ou bien est-ce que je dis une erreur, est-ce que Julien avait déjà cette démarche-là, Laurent Stranois? Je pense que Christian Goudineau, il ne concevait pas la recherche scientifique, la démarche scientifique, sans la part humaine des choses. Et c'est ça qui faisait la différence avec beaucoup. Et cet humanisme, cette humanité qui l'a fait considérer à la fois les auteurs antiques, mais également les archéologues, l'archéologie, tous ceux qu'il a rencontrés, fait qu'effectivement, il se figurait les personnes et il nous conduisait à nous les figurer. Il nous accompagnait là-dedans. Donc oui, vous avez raison, en effet. Laurent Olivier. Et puis aussi, je pense que ça ouvre la petite porte de l'anthropologie, cette approche-là. C'est-à-dire de se dire, non seulement mettons-nous dans la peau de ces gens-là, mais aussi comprenons qu'ils n'ont pas forcément les mêmes réactions que nous, les mêmes représentations du monde, et que c'est à travers ce filtre-là qu'ils regardent l'étranger, l'autre. Oui, et par exemple, se poser la question de savoir pourquoi les Grecs considèrent que c'est un pays barbare, c'est peut-être parce qu'il n'y a ni huile d'olive, ni vin, par exemple. C'est comme ça qu'ils l'imaginent. Quand ils ont leur comptoir installé à Marseille, au-delà, ils n'y vont pas trop. Vous expliquez dans votre livre sur le pays des Celtes que les Grecs regardent la Méditerranée, tournent le dos au pays qui est à l'arrière, certes, font sûrement du commerce avec ceux qui y sont, mais ne cherchent pas trop à savoir comment ils sont, en l'occurrence. Oui, c'est Platon, je crois, qu'il y a une image merveilleuse. Il dit que les Grecs sont comme des grenouilles au bord d'une mare. Et c'est exactement ça avec Marseille. Laurence, et moi, je me souviens que Christian Gaudinot nous invitait toujours à garder cette saine distance avec le passé. Alors, identification, non, parce que il y avait toujours cette étrangeté absolue entre nous et le passé. Donc, il ne faut pas non plus fausser sa pensée de ce point de vue-là. Alors, par exemple, une des grandes questions, c'est que les Grecs considèrent que ce territoire n'a pas de ville. Or, ce que l'on sait aujourd'hui, grâce aux fouilles archéologiques, c'est qu'il y a des cités, il y a des villes dans cet espace qui est qualifié généralement de l'espace de la Gaule ou l'espace des Celtes, selon qu'on est du côté des Grecs ou du côté des Romains. Il y a bien sûr des villes, mais simplement elles ne correspondent pas aux normes qui sont les normes de la cité antique telle qu'elle est pensée par les Grecs, par exemple. Oui, et puis il y a surtout déjà des échanges intenses avec le monde celtique dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, dont personne ne parle. Et justement, c'est ce dont parlait au micro de Vincent Charpentier, qui l'a souvent reçu, donc sur France Culture, dont parlait Christian Gaudinot. C'était en 1995, la diplomatie entre les Gaulois et les autres. On s'aperçoit qu'à partir au moins du 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a un mouvement commercial d'une intensité extraordinaire, depuis l'Italie vers la Gaule, bon, et donc à l'inverse de Gaulle vers l'Italie. Hein, ce n'était pas des dons gratuits. Bon, ces dizaines de milliers d'hectolitres de vin qui arrivent chaque année, cela suppose non seulement des contacts, mais toute une organisation. Ça suppose des mouvements d'hommes, des mouvements de marchandises, des moyens de transport, mais ça suppose des contrats, des actes écrits, des échanges qui sont forcément codifiés, des transactions, une administration. Alors si, à partir de cette réalité-là, on relit tel ou tel texte, bah, on s'aperçoit, mon Dieu, que ça nous crevait les yeux. Vous pouvez relire Titli, vous apercevez que régulièrement, il y a des gens de Gaule transalpine, c'est peut-être la Gaule de chez nous, si j'ose dire, mais c'est peut-être aussi les Celtes du Danube, etc., qui envoient des ambassades. Des ambassades qui viennent proposer même leur aide à Rome. On les reçoit. Oui, une des choses les plus étonnantes, par exemple... Vous savez qu'au début de la guerre des Gaules, après les affaires des Helvètes, il y a le combat entre les Germains, Dariovistes et César. Cet homme-là, il avait été déclaré l'année précédente, alors que César était consul, ami du peuple romain. Ça, c'est pas fait, là encore, sans qu'il y ait d'échange. Mais lorsque César va s'en prendre à lui, il essaye de négocier d'abord. Et à un moment, lors d'une de ces entrevues, puisqu'il y en a eu deux ou trois, Dariovistes dit ceci. Si César ne quitte pas le pays, c'est-à-dire César ne quitte pas le territoire des Séquanes, qu'Ariovis considère comme lui étant revenu par droit de conquête et par accord, il le considérera, lui Dariovistes, non pas comme un ami, mais comme un ennemi. Et il ajoute ceci, qui est extraordinaire. S'il le tue, il fera quelque chose d'agréable à bien des nobles et des chefs politiques de Rome. Eux-mêmes l'en avaient assuré par leurs agents. La bienveillance et l'amitié de tous ces personnages, ils pouvaient l'acquérir à ce prix. Bon, alors, ou c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas, si César l'écrit, c'est que c'est vraisemblable. Alors, imaginez le chef germain qu'on flanque toujours au milieu de ces forêts, il est en relation avec Rome. Il reçoit des agents de partis politiques romains qui lui font miroiter éventuellement des récompenses, leur amitié, etc. Le type d'au-delà du Rhin, le sauvage pour nous. Voilà. Comment tirer le maximum d'un texte de César pour pouvoir le relier donc justement à cette histoire de la Gaule. Victor Massel Lépinet. Cette évocation des contacts entre Rome et la Gaule sur un temps long pose la question. Annule peut-être, enfin, ou annule l'idée d'une conquête violente, subite, en 52 avant Jésus-Christ, comme on a pu le raconter au 19e, quand cette histoire a été mobilisée pour la première fois. Mais nous pose tout de même la question de ce qu'on a appelé la romanisation. On en a un petit peu parlé avec Nicolas Tran lundi, un terme miné, la romanisation, et peut-être la question de la civilisation gallo-romaine, puisque il y a eu des échanges, ça s'est fait peut-être plus doucement, il y a eu un métissage, il y a eu une rencontre, mais le terme de gallo-romain nous est quand même arrivé. Laurent Olivier, vous dites dans votre livre sur nous ne sommes pas prêts d'abandonner notre chimère gallo-romaine. Alors qu'est-ce que c'est que cette chimère gallo-romaine et pourquoi est-ce que, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on apprend de l'archéologie, de l'histoire, on n'est pas prêt d'abandonner cette chimère? D'autant que vous êtes l'auteur de La France gallo-romaine, Laurence Tranois, co-auteur. Oui. Alors, effectivement, je le regrette parce que j'ai pas assez insisté auprès de l'éditeur, qu'il me pardonne. Non, mais... Nous souhaitions l'appeler La France romaine et à l'époque, je me suis pas assez battue, je le regrette. Et dans la conclusion, si vous lisez la conclusion, vous verrez que la conclusion n'est pas en accord avec le titre de cet ouvrage. Et moi, je fais partie de ceux qui milite pour abandonner cette expression que je trouve à la fois drôle et en même temps totalement obsolète parce qu'elle est elle nous vient du 19e siècle. Voilà, c'est comme si bon, heureusement que les Romains sont arrivés pour nous civiliser, mais quand même il y a le petit fond gaulois qui reste, ne l'oublions pas. Bon, c'est pas vrai, tout ce qu'on voit aujourd'hui grâce à l'archéologie d'ailleurs, c'est que les Gaulois sont devenus romains. Que les Gaules sont devenus romaines. Laurent Olivier, oui, parce qu'on voulait, alors qu'on conquérait d'autres territoires, expliquez-vous, dans le pays des Celtes, les Français allaient outre-mer pour conquérir d'autres territoires dans les colonies, ce qu'allaient devenir les colonies. On voulait effectivement faire le parallélisme entre cette conquête qui allait civiliser les autres et celle conquête d'origine qui nous avait civilisés avec le métissage des Romains. Quand on change le futur, il faut changer aussi simultanément le passé sur lequel on prend appui. Et cette histoire-là, elle se crée dans la fabrique de l'identité nationale française. Dont le musée de l'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye est un formidable témoin, on peut dire. Laboratoire. Et Christian Guinou le rappelait dans l'archive qu'on a passé tout à l'heure, que en fait, on s'est appuyé sur la création de César pour dire que la Gaule était homogène des Pyrénées jusqu'au Rhin. Ça a appuyé l'idée, c'est une idée révolutionnaire à la base, de dire qu'effectivement, nos ancêtres, les Gaulois, c'est le peuple, c'est le tiers-état, c'est pas la noblesse, c'est pas les Germains, et on vient de ça. Et finalement, on serait le résultat de cette fusion harmonieuse de la Gaule, des origines rurales, avec une civilisation urbaine qui nous aurait amené la culture et le savoir. D'où le tiré entre Gallo et Romain. Mais on est les seuls en Europe à faire ça. On n'imagine pas une culture germano-romaine en Allemagne ou britanno-romaine. Victor Vassé-Lépiné. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on remet une notion comme celle-là en question? Comment est-ce qu'on fait pour néanmoins rendre hommage ou témoigner d'une reconnaissance envers, peut-être pas les maîtres, mais les prédécesseurs. Par exemple, Camille Julian, qui a fait avec cette notion de gallo-romanité ou de gallo-romain. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Christian Goudineau, c'est pas seulement un hommage, c'est un véritable, je sais pas comment dire, mais c'est une vraie filiation avec des nouveautés qu'il revendique avec Camille Julian. Et vous aussi, dans votre livre Le Pays des Celtes, Laurent Olivier, vous parlez de Camille Julian, vous parlez d'Henri Hubert aussi, auquel vous avez consacré un ouvrage cette année. Ces gens-là, avec leur concept d'une certaine époque, on ne doit pas invalider leur démarche. C'est peut-être là que la notion de mémoire aussi rentre en jeu. Laurent Olivier et Laurence Tranois. Absolument. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est en quelque sorte, c'est l'histoire des idées comme une archéologie, comme un dépôt de couches qui se superposent les unes aux autres. Je pense qu'il faut, ce qui est intéressant, c'est pas dire faisons table rase de tous ces ajouts et essayons de trouver le substrat pur en place qui est introuvable. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment, en fait, nos idées cheminent à travers cette accumulation et comment finalement ce qu'on pense aujourd'hui, et le résultat de ce qui a été imaginé, de ce qui a été recherché dans le passé. C'est intéressant dans ce sens-là. Et effectivement, Camille Julian, par exemple, qui a été fortement décrié après la Seconde Guerre mondiale, on le trouvait nationaliste, on le trouvait barésien, c'est un formidable écrivain. Je pense que son Vercingétorix est indépassable. Et effectivement, Christian Goudineau, enfin indépassable du point de vue littéraire, je pense, Christian Goudineau s'appuyait beaucoup sur la filiation de Julian. Vous dites, Laurent Olivier, dans votre livre Le Pays des Celtes, que le passé doit d'abord être attendu afin de pouvoir être reconnu. Et vous citez ce cas sur lequel l'archéologue que vous êtes, Laurence Tranois, peut réfléchir, de Viollet-le-Duc, qui, quand on lui apporte un casque de bronze avec des recouverts d'or en 1841, je crois, dit « ça peut pas être c'est forcément romain. Parce qu'on peut pas, on ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose avant cette romanité. C'était qui, inimaginable. Voilà. Inimaginable. Et donc, effectivement, ce que l'on dit depuis le début de cette émission en hommage à Christian Gudinot, c'est que tout a été chamboulé par des découvertes multiples qu'on ne voyait pas et qu'on ne comprenait pas pendant très longtemps et qu'on a fini par comprendre en les mettant les unes face aux autres, en faisant des tableaux syncrétiques, en analysant sur l'ensemble de l'Europe des découvertes archéologiques qui pouvaient à un moment donné coïncider les unes aux autres, et donc en refaisant un tableau historique, pourrait-on dire, de ces périodes qui étaient considérées comme des âges sombres, Laurence Tranois. Il faut absolument lire et relire le Vercingétorix de Christian Gudinot pour prendre la mesure de l'importance de l'historiographie. Et tout ce fil conducteur qui mène de ces années d'avant la Révolution, la naissance du romantisme, et je pense que Christian a fait une analyse très fine, très complexe de cette évolution, cette histoire des idées, et en rendant hommage à tous ces jalons que furent Fussel de Coulanges, etc., jusqu'à Camille Julian. Donc, bien entendu que l'histoire se construit dans des contextes, et c'est une démarche épistémologique qui a vraiment nourri beaucoup de chercheurs. Christian est une référence dans un tas de milieux, que ce soit en philo, en sociaux, pour cette raison-là. Laurent Olivier ? Oui, il faut toujours restituer l'étrangeté des découvertes, parce qu'en fait, l'archéologie a posé un problème compliqué aux historiens. Les Celtes, la Gaule, ça se passait sur le territoire de la France. Mmh. Et l'archéologie révèle soudain une civilisation celtique, non seulement qui préexiste aux Gaulois, qui commence dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, mais qui s'étend sur toute l'Europe, et jusque dans les îles britanniques, on n'a jamais signalé la moindre présence celtique. Donc comment est-ce qu'on explique ça ? Au début, c'est très compliqué. Effectivement, les découvertes celtiques, on les trouve en fait trop belle pour appartenir à ces barbares frustes que décrivent les sources historiques. Donc il y a cette dialectique entre les données de l'histoire et les données de l'archéologie. Et ça, c'est compliqué à mettre ensemble. Il faut donc faire des révolutions mentales régulièrement lorsqu'on travaille sur ces données qui sont accumulées pour pouvoir repenser à neuf, pourrait-on dire, à chaque fois, ce qui nous est présenté par les découvertes du sous-sol, par exemple. C'est toujours, il y a toujours une part d'étrangeté dans l'archéologie. Il y a toujours quelque chose qui est inattendu, qui sort du sol. Voilà. Et donc, parmi les questions que pose le sol aux historiens, aux historiennes de cette période antique, par exemple, tirée d'une autre émission de Vincent Charpentier en 1995 sur France Culture, la question des petits et des grands animaux. Grosso modo, entre le néolithique et la fin de l'âge du fer, la taille des animaux n'a cessé de diminuer. Le bœuf est devenu de plus en plus petit, le mouton de plus en plus petit, le cheval de plus en plus petit, le cochon de plus en plus petit. Et puis, aux alentours du changement d'ère, on voit réapparaître de grandes races. Alors pendant très longtemps, on a dit, c'est très simple, c'est la conquête romaine qui a fait que de nouveaux arrivages, à la fois de colons, éventuellement de cheptels, ont changé tout ça. Et puis, un certain nombre de fouilles récentes ont montré que certains de ces grands animaux se trouvaient là avant la conquête. Alors, on peut prendre deux ou trois exemples. Dans les fouilles du parking de la mairie de Besançon, il y a 4 ans à peu près, une des cases, des cabanes qui ont été fouillées dans la ville Séquane, comportait une cave. Dans cette cave, il y avait toutes sortes de choses, des amphores, des sangliers, montrant que le type était un chasseur. Il avait des éperons également d'argent. Il avait un collier, et puis on a trouvé un petit objet de bronze qu'on n'a pas compris pendant longtemps, jusqu'au moment où Michel Feugère a vu qu'il s'agissait d'un étalon, d'une petite tige de bronze, qui était une réglette, si vous voulez, un étalon correspondant à un demi-pyrme. Dans la même cave, il y avait des ossements, ou un ossement en tout cas, d'un grand bœuf. Et là, on est entre 120 et 80 avant Jésus-Christ, c'est bien daté par la dendrochronologie. Puis, en cherchant dans les publications, Méniel trouve, parce que les gens n'y avaient pas fait attention, le même grand bœuf à Feur. Puis, on publie récemment les fouilles du Tittelberg, le grand oppidum des Trévires, au Luxembourg. Et là, on s'aperçoit qu'au milieu des petits animaux, il y a quelques grands animaux. Alors, quand on voit ça, on a envie de relire autrement un certain nombre de textes. Effectivement, on a envie de relire d'autres textes, effectivement, et donc ça montre bien effectivement ce qu'est le processus de la recherche Laurent Stranois et de la recherche archéologique et historique sur des cas comme ceux-ci. Je ne sais si ça a évolué, si on a trouvé la réponse à la question que posait Christian Goulineau, pourquoi des petits animaux et ensuite des grands animaux. Mais en tous les cas, c'est comme cela que avance la recherche, en posant des questions et en se faisant poser des questions par les découvertes que l'on trouve sous cette ruelle en faisant son archéologie. Oui, c'est des questions controversées aujourd'hui dans le milieu des archéozoologues, donc je m'avancerai pas trop sur ce terrain, mais c'est un très bon exemple en tout cas de la manière dont le terrain conduit à relire les textes et ce va-et-vient perpétuel que Christian Goudineau a engagé entre les sources écrites et les multiples sources archéologiques qu'il arrivait à connecter les unes aux autres. C'était, je voudrais insister là-dessus, c'était un grand connecteur d'idées et il arrivait à faire surgir des nouvelles hypothèses en mettant en lien tout un tas de choses qu'il pouvait voir, lire, etc. Oui, c'est une méthode de recherche, pourrait-on dire, Laurent-Olivier. Oui, mais ce qui est ambigu et intéressant dans cette histoire, c'est que il faudrait pas garder l'idée que les sources historiques et les données archéologiques se recouvrent parfaitement. Non, justement, c'est parce qu'il y a, ça ne marche pas. Et, c'est des domaines différents. Ça renseigne des catégories différentes. Et justement, c'est dans cette différence que se trouve tout l'intérêt de la confrontation des données de l'histoire et des sources de l'archéologie. Ouais, vous dites dans Le Pays des Selles que les sources historiques ont conduit les archéologues à interpréter faussement les vestiges qui étaient mis au jour. Parce que, en fait, on se baser sur les textes comme s'ils étaient paroles d'évangile, pourrait-on dire, et puis on trouvait autre chose qui ne correspondait pas. Il fallait un certain temps pour pouvoir adapter l'un à l'autre, par exemple. Ben, l'un des très bons exemples de ça, c'est les sanctuaires, gaulois. Ils n'ont été découverts qu'à la fin des années 1980, donc ils sont restés inconnus pendant plus d'une centaine d'années, parce qu'on imaginait les druides dans les arbres avec le gui, etc. Et la serpe d'or. Des bâtiments publics d'époque gauloise, on commence seulement à les sortir depuis peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, comme à Coran, comme à Tittelberg justement, parce qu'on n'imaginait pas qu'on puisse avoir de grands bâtiments publics d'époque gauloise. Victor Massé de l'Épinay. Alors, les sources archéologiques et les textes ne se recoupent pas tout à fait, mais l'un comme l'autre ne sont que des traces, écrivez-vous, Laurent Olivier. Et il faut renoncer, semble-t-il, à vouloir restituer le passé totalement en lui-même, toutes ces sources ne sont pas des témoignages, mais sont des traces. Et donc, peut-être que vous écrivez beaucoup dans votre livre sur la nécessité de produire une fiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette fiction ? Est-ce que ça veut dire que toutes les interprétations sont valables en histoire et en archéologie ? Absolument pas. Tout le contraire de ça. Voilà. Alors, je sais bien, mais je voudrais que vous nous l'expliquiez. Bah, la fiction, c'est un terme un peu provoquant pour nous amener à réfléchir à ce qu'on produit. La fiction, c'est l'effet du réel. Moi, j'ai été beaucoup marqué par Michel de Certeau, qui parle beaucoup de ça dans la fabrique de l'histoire. L'effet de fiction, c'est l'effet de réel. Une fiction à laquelle vous adhérez, vous êtes dedans, vous pensez que le personnage, il existe vraiment, que le milieu que vous voyez existe vraiment, vous êtes dedans. Et l'archéologie, comme la science, produit un effet de fiction, c'est-à-dire un effet de réel. C'est-à-dire que les interprétations vous convainquent non seulement parce qu'elles sont logiquement fondées, mais surtout parce qu'elles vous ouvrent la porte d'un monde qui se tient, qui est logique intérieurement. Et ça, cette déduction-là, cette reconstruction-là, ça repose sur un effet de production de réel. Et finalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ça n'est jamais qu'une production. Ça n'est pas c'est une recréation. Ça n'est pas c'est une fabrication. Et d'ailleurs, en parlant de fiction, il faut noter, Laurent Stranois, que Christian Goudineau est passé, mais alors, par la fiction telle qu'on l'entend, parfois, pour pouvoir expliquer des choses, en particulier avec le voyage de Marcus. Il a écrit un roman, Tribulation d'un jeune garçon en Gaule romaine, pour essayer de faire comprendre à un public qui n'était peut-être pas celui de l'archéologie pure ou de l'histoire pure, ce qu'était justement le résultat de toutes ces découvertes de ces 30 ou 40 dernières années. Oui, il l'a fait à plusieurs reprises aussi avec l'enquête de Valerius Priscus. Et c'était pour lui un espace de liberté énorme que la littérature. C'était un homme de lettres, un homme de théâtre aussi. Il écrivait des pièces de théâtre. Et il a pu, grâce à cette liberté littéraire, faire passer toutes sortes de choses qu'il ne serait pas permis d'écrire dans un contexte académique et scientifique. Laurent Olivier. Et puis il évoque ce passage formidable du récit de César où il est question de la reddition de Vercingétorix, qui tient en deux mots. Vercingétorix est livré, les armes sont jetées. est qu'un formidable créateur de fiction, parce que c'est plus tard. Oui, il y a tellement de choses à dire à part ça. Les armes de qui ? Les armes de Vercingétorix. Donc c'est Vercingétorix qui aide lui-même ses armes. Et comment le fait-il ? Ben parce qu'il se rend le lui-même, parce qu'il vient à cheval, etc. et donc vous voyez que à partir de ces quatre mots, il y a la production d'une sorte de fontaine d'histoire qui apparaît. Fontaine d'histoire et fontaine de fiction qui a nourri un imaginaire national qui était à l'œuvre encore il n'y a pas très longtemps, Nicolas Sarkozy. Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on n'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. C'est ça l'assimilation, racontait Nicolas Sarkozy il y a 3 ans de cela. En l'occurrence, une des questions à poser et que se posait Christian Goudineau, c'était de savoir comment faire passer tout ce savoir nouveau auprès des décideurs, auprès des politiques, auprès aussi du grand public, parce que tout compte fait, c'est bien de découvrir ce que vous avez tous et toutes découvert en faisant des fouilles archéologiques très révolutionnaires, pourrait-on dire. Mais il reste encore un tableau dans la tête de la plupart d'entre nous, qui est ce tableau dont parlait à l'instant même Laurent Olivier, avec tableau du 19e siècle, début du 20e, je pense, avec Vercingétorix jetant ses armes, tableau repris évidemment dans Astérix et lu par des millions et des millions de petits Français, de petites Françaises, Laurent Stringois. C'est ça aussi la difficulté, le savoir, la connaissance, l'amélioration de ce savoir et de ses connaissances, qui n'arrive pas parfois à percer le mur des représentations. Oui, c'est très difficile et Christian lui-même était parfois pessimiste. Lui qui a tant écrit là-dessus, sur ces quatre petits mots que rappelait Laurent, qui a écrit des articles merveilleux à ce sujet, il était un peu désolé de voir que c'était du mal à effectivement à percer le mur de la tradition, de l'imaginaire, de la fiction. Et pourtant, lui qui a tant sillonné la France, qui a tant fait de conférences, qui a fait une œuvre de pédagogue extraordinaire, eh bien, il a vraiment tenté de faire évoluer les mentalités, mais parfois les mentalités résistent. Mmh. Laurent Olivier, c'est quand même très intéressant de se dire cela, c'est-à-dire que, et ça n'est pas le seul cas, ce cas de Vercingétorix, mais que pour tout un tas d'épisodes de notre histoire nationale, les travaux des historiens viennent contredire tout ce qu'on croyait savoir à la fin du 19e ou au début du 20e avec le petit Lavis, et que malgré tout, ces représentations, ces images d'Épinal, etc., ces images au mur des mairies, ces fresques qui ont été construites par la Troisième République, sont encore présentes dans notre imaginaire et qu'on n'arrive pas véritablement à s'en détacher, Laurent Olivier. Ben c'est formidablement intéressant, justement, parce que ça prouve que c'est un mythe et que, en fait, cette histoire du passé, cette histoire de la Gaule, elle change quand nous, on change. Quand on est encore dans les affres de la collaboration et de la trahison, Vercingétorix est un agent de César, un idiot qui amène la Gaule au naufrage. Quand la France va mieux, il jette ses armes sur les pieds de César, et c'est le petit village d'Astérix. En réalité, tout cela, toutes ces fluctuations, ça dit plus non pas sur la société gauloise telle qu'elle est, mais sur notre façon de l'appréhender, sur la place que la société gauloise tient aujourd'hui parmi nous. Mmh. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ferait bien de se souvenir que on peut aussi interpréter Vercingétorix d'une autre manière. Il peut être aussi celui qui appelle à la liberté commune, celui qui s'oppose aux gens qui entravent la liberté. On peut aussi le lire comme ça. Victor Massé de l'Épinay. J'ai lu par exemple que Christian Goudineau, à la fin des années 80, avait fait un sondage auprès de ses auditeurs du Collège de France en leur demandant si la conquête, selon eux, la conquête de la Gaule par Rome avait été très bénéfique, plutôt bénéfique, et que à une grande majorité, 49% pensaient qu'elle avait été plutôt bénéfique, 24% qu'elle avait été très bénéfique. Et dans une archive qu'on n'aura pas le temps d'écouter aujourd'hui, Christian Goudineau explique que cette idée de l'heureuse conquête, finalement, heureusement qu'on a été conquis par Rome, puisqu'on a pu se civiliser en gardant un petit fond gallo, mais que cette idée était née évidemment pendant les années de colonisation, d'expansion coloniale de la France, que nous aussi on avait été conquis, puis maintenant c'est ce qu'on faisait, on apportait le progrès. Cette idée, Laurent Olivier, elle est encore très répandue aujourd'hui, que la conquête de la Gaule, ça a été finalement quelque chose de bien, ça nous a fait accéder à la civilisation. À quelle France ça correspond, puisque vous dites que ces images nous disent quelque chose d'aujourd'hui? C'est une image qui se crée à la fin du 19e siècle. Il y a un parallèle très très étonnant qui paraît naturel à l'époque de Napoléon III, c'est avec l'Algérie. Abdelkader, la semaine d'Abdelkader. Abdelkader vaincu, mais venant effectivement, d'une certaine façon, rendre les armes à la France qu'il a vaincue. Tout à fait, et Napoléon III, ne l'exécutant pas comme César avait exécuté Vercingétorix, mais lui offrant une rente pour ses vieux jours. Il y a cette idée du 19e siècle que l'Algérie, ça va être un petit peu comme la France gallo-romaine, ça va être une fusion de deux nations. Cette idée là, c'est une idée qui s'enracine dans le 19e siècle, en réalité. Laurence Tranois, c'est vrai que les fouilles archéologiques posent des problèmes quand on découvre les bronziers de Roissy, par exemple, en 1999, je crois, en élargissant le territoire de l'aéroport de Roissy. Voilà des gens qui ont pratiqué un art qui était un art supérieurs, alors qu'on les pensait justement comme des personnages qui étaient frustes, tels qu'ils étaient décrits par le 19e siècle. Il faut remettre tout cela en œuvre, et des grandes expositions, comme les Gaulois récemment, ont tenté justement de montrer auprès du grand public combien il fallait changer de logiciel quand on pensait à cette Gaule pré-romaine, en l'occurrence. Oui, c'est ce que l'archéologie de ces 30 dernières années a démontré au fil des découvertes, que le niveau technologique de la Gaule avant l'arrivée officielle des Romains... On connaît la géométrie, par exemple. Oui, toutes les fouilles qui ont été faites, je pense notamment aux mines d'or qui ont été découvertes dans le Limousin par Béatrice Coué, qui montrent un très haut degré de technicité, l'usage de la vis d'Archimède, par exemple, qu'on n'aurait pas forcément soupçonné, surtout pas au 19e siècle. Bref, un monde finalement qui n'est pas si loin du monde méditerranéen. C'est ça ce que les fouilles ont montré. Et cette séparation entre un sud civilisé et un nord barbare a été totalement pulvérisée par l'archéologie de ces dernières années. Laurent Olivier ? Oui, et puis aussi la conquête romaine et ce qu'on appelle, faute de mieux, la romanisation. Il faut imaginer, comme Christian Guenou nous y incitait, que c'est un processus compliqué, c'est complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, la Gaule, elle est hétérogène, elle est constituée d'États différents, qui n'ont pas tous la même politique internationale, et il y a aussi des classes sociales différentes. Il y a des gens qui ont intérêt à l'intégration dans le monde romain, il y a des gens qui n'y ont pas intérêt. Donc, il faudrait pas non plus... opposer une vision un petit peu misérabiliste, c'est-à-dire de dire, c'est quand même terrible, c'était quand même une super civilisation, ils ont été complètement écrasés par ces Romains qui les ont complètement colonisés, et c'est terrible. En fait, c'est un phénomène beaucoup plus complexe et de ce point de vue-là, beaucoup plus riche à étudier. Et il faut dire que on l'a peut-être pas suffisamment dit depuis le début, vous l'avez dit au tout début, Laurence Tranois, qu'il y avait aussi une générosité, une gourmandise du savoir chez Christian Goudineau, qui nous manquera effectivement, parce que c'était aussi cela qu'il partageait, en plus du savoir énorme qu'il possédait sur ces périodes historiques. Mais j'en parlais encore récemment avec Vincent Charpentier, et d'ailleurs j'invite tout le monde à écouter le dimanche entre 20h30 et 21h son émission Carbone 14, le magazine de l'archéologie sur France Culture. Eh bien, c'est aussi cela qui nous le lègue, c'est-à-dire un savoir joyeux, partagé, partageur. Absolument. C'était il adorait partager, il adorait faire cours, c'était un immense pédagogue. Il adorait aussi faire venir ses collègues, discuter, la controverse. Il était friand aussi de cela. Et c'était jubilatoire. Écouter Christian, c'était jubilatoire. Et lire Christian, c'est encore jubilatoire. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à le faire. Les très nombreux ouvrages, ça peut être César et la Gaule, ça peut être Regard sur la Gaule, ça peut être Partoutatis, ça peut être son dossier Vercingétorix, ou encore ce voyage de Marcus dont on parlait tout à l'heure, un roman ainsi que d'autres romans de Christian Goudineau. Merci d'être venus tous les deux évoquer la figure de Christian Goudineau dans cette émission de France Culture, donc consacrée pendant toute cette série de La Fabrique de l'Histoire à l'Antiquité, et d'avoir ainsi fait rentrer une autre antiquité dans les antiquités grecques et romaines, celle qui précède justement cette conquête romaine de la Gaule. Dans notre série, je rappelle votre livre, Laurent Olivier, qui s'intitule « Le pays des Celtes, mémoire de la Gaule » aux éditions du Seuil, dans la collection L'Univers historique. Et puis, il faut rappeler vos deux livres. Alors, vous avez dit que le titre ne vous plaisait plus, Laurent Stranois, mais enfin, on peut tout de même le trouver. C'est « À la découverte, la France gallo-romaine » ou encore « Comment les Gaules devinrent romaines ». C'est aussi à la découverte avec une préface de qui ? Christian Goudineau. Évidemment, vous ne pouvez pas le manquer. Merci à tous les deux. Merci Victor. On se retrouve demain donc pour la dernière émission de cette série et nous rendrons compte, enfin nous ne rendrons pas compte, nous annoncerons. Nous annoncerons les états généraux de l'Antiquité qui auront lieu fin de semaine et ce week-end. Une émission de la Fabrique de l'Histoire préparée comme d'habitude par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Élise Le était aujourd'hui à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.